إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc nous entamons un nouveau cours, toujours tiré du même ouvrage, الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Le fiqh, la jurisprudence simplifiée à la lumière du Coran et de la Sunna. Al-bab fi zakat al-fitr wa yuqalu laha sadaqatu al-fitr. Le chapitre de la zakat, l'aumône de al-fitr, la rupture du jeûne. La zakat qu'on donne une fois qu'on a terminé ce pilier, ce grand pilier de l'islam qui est le jeûne du mois de Ramadan. Donc on l'appelle zakat al-fitr et on l'appelle aussi sadaqatu al-fitr, car la zakat est une sadaqa. وسميت بذلك لأنها تجب بالفطر من رمضان. Elle a été nommée ainsi parce qu'elle devient obligatoire une fois qu'on a terminé le mois de Ramadan. ولا تعلق لها بالمال. Elle n'a aucun lien, aucune relation avec la monnaie, avec l'argent. وَإِنَّمَا هِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالذِّمَّةِ. Mais elle a un lien, elle est en relation avec la personne. C'est la personne qui est concernée par cette sadaqa. فَهِيَ زَكَاتٌ عَنِ النَّفْسِ وَالْبَدَنِ. Donc c'est une aumône à donner pour la personne, le corps de la personne. في حكمها ودليل ذلك. Sur le jugement de cette règle de la zakat al-fitr et la preuve de cela. Zakat al-fitr wajibatun ala kulli muslim. Lima rawa ibn Umar radiyallahu anhuma qal farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sadaqat al-fitr min ramadan sa'an min tamr aw sa'an min sha'ir ala al-'abdi wal-hurr والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. الحديث رواه البخاري ومسلم. Elle est une obligation, elle incombe, la zakat al-fitr, à tout musulman, qu'il soit grand ou petit, garçon ou fille, libre ou esclave. D'après le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné la sadaqa de l'fitr, zakat al-fitr, pour le ramadan, un sa' de date. C'est une unité de mesure connue à l'époque qui est le contenu des deux mains quatre fois. Lorsque les deux mains sont réunies, on entre dans le sac ou le récipient où il y a la nourriture, où il y a la farine, et bien le contenu, quand les deux mains sont pleines, ça s'appelle un moud. Et un sa', c'est quatre fois les deux mains remplies. Donc un sa' de dattes, un sa' d'orge, de blé, pour l'esclave et la personne libre, l'homme et la femme, l'enfant comme la personne adulte parmi les musulmans. Parmi les musulmans. Shurutuha wa ala man tajib. Ses conditions et envers qui elle est obligatoire. Tajibu zakat al-fitr ala kulli muslimin kabirin wa sahirin wa dhakarin wa untha wa hurrin wa abdin. Les hadiths ibn Umar radiallahu anhuma al-sabiq. Donc elle est une obligation, la zakat de l'fitr, pour tout musulman, qu'il soit adulte ou enfant, homme ou femme, libre ou esclave, comme on l'a vu dans le hadith de Abdullah ibn Umar, le hadith précédent, radiallahu anhuma. Wa yustahabbu ikhrajuha anil janin idha nufikhat fihi ar-ruh wa huwa ma sara lahu arba'atu ashhur faqad kana as-salaf yukhrijunaha anhu kama thabata an Uthman radiallahu anhu wa ghayrihi. Il est recommandé aussi de la sortir pour l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère lorsque l'âme a été insufflée en cet enfant, ce fœtus, à partir de 4 mois. Une fois que la femme a 4 mois de grossesse, c'est la période dans laquelle on insuffle l'âme à cet enfant dans le ventre de sa mère. Ça, c'est seulement recommandé. Les catégories de gens qu'on a vues précédemment, c'est un devoir, une obligation. Mais pour cette catégorie, c'est-à-dire pour le bébé qui est dans le ventre de sa mère, c'est seulement recommandé. Lorsque la femme elle a déjà eu au minimum 4 mois de grossesse. Car les pieux prédécesseurs le faisaient. Ils sortent les zakat et le fitr aussi pour le bébé dans le ventre. Comme cela a été authentifié, le récit authentique, d'après le prince des croyants, l'honorable compagnon Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, et plein d'autres. ويجب أن يخرجه عن نفسه. Et aussi, c'est un devoir, une obligation, qu'il sorte cette zakat pour lui-même, pour sa propre personne. وعمن تلزمه نفقته. Et ceux qui sont à sa charge, toutes les personnes qui dépendent de lui, qui sont à sa charge, c'est lui, il lui incombe de sortir la zakat pour eux. من زوجة أو قريب, que ce soit l'épouse ou une proche. Un proche parmi ceux qui sont à sa charge. وَكَذَا الْعَبْدِ. Et de même s'il a un esclave, il devra la sortir pour lui. فَإِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ تَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ. Car dans ce cas-là, la zakat al-fitr, elle incombe, elle devient obligatoire pour le maître de cette personne. لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةَ وإلا صدقة الفطر الحديث أخرجه البخاري. On a ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, qui nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'aumône à sortir pour l'esclave si ce n'est la zakat al-fitr. ولا تجب إلا على من فضل عن قوته. Et elle ne devient obligatoire que pour la personne qui a plus que le besoin quotidien. Il a un surplus de la quantité de nourriture nécessaire pour la journée. وَقُوتِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَحَوَائِجُهُ الدَّرُورِيَّ فِي يَوْمِ الْعِيدِ وَلَيْلَتِهِ مَا يُؤَدِّ بِهِ الْفَتْرَةِ. Donc il a le nécessaire minimum pour lui et pour ceux qui sont à sa charge pour la durée de la veille de l'Eid et la journée de l'Eid. Celui qui a plus que ce besoin nécessaire, il lui incombe de sortir zakat al-fitr. Comme ça, il y a un plus grand nombre de personnes qui sont concernées par zakat al-fitr. Et beaucoup plus de gens pourront s'acquitter de cette adoration. Fa zakat al-fitr la tajibu illa bi shartayn. Zakat al-fitr ne devient obligatoire que s'il y a ces deux conditions. Al-Islam fala tajibu ala al-kafir. Il faut que la personne elle soit musulmane. Ça c'est une condition, car les œuvres, si elles sont accomplies par les mécréants, par ceux qui ne sont pas musulmans, cela n'est pas accepté. Car toute œuvre ne peut être acceptée que si elle comporte les conditions de validité. La première condition de validité, c'est que l'œuvre est accomplie sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Et la deuxième condition de validité, c'est que l'œuvre, elle soit en conformité dans le suivi de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On n'adore que Allah seul, sans rien lui associer, et on adore Allah que comme il a légiféré, selon les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En agissant ainsi, on réalise et on concrétise les deux attestations de foi, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah, on n'adore que Allah seul, sans rien lui associer. Muhammad Rasulullah, on adore Allah que comme nous l'a enseigné le prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam. Et la deuxième condition, wujud, ma yafdulu an qutihi, qu'il y ait la présence de provisions, de nourriture, qui est en surplus par rapport aux besoins nécessaires de la personne et ceux qui sont à sa charge. Wa quti iyalihi wa hawaijihi al-asliya fi yawm al-eid wa laylatihi, comme on a vu tout à l'heure. Fi hikmati wujubiha, la sagesse pour laquelle a été rendue obligatoire légiférer la zakat de l'fitr. Min al-hikam, déjà un point essentiel, la grande sagesse pour toutes les règles de l'islam, tout ce qui nous est demandé d'accomplir, c'est de répondre à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala et à l'appel de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne fait qu'appliquer ce qui nous est demandé par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la grande sagesse. Et non pas comme certains qui veulent à tout prix savoir quelle est la raison, quelle est la sagesse, quel est le bénéfice d'accomplir telle action. Et tant que sa raison à lui ne l'a pas compris, il va se priver d'accomplir cette action-là. Ça, c'est une erreur et c'est une mauvaise éducation. La première raison, la première sagesse, c'est parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle, nous interpelle, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam est un bon musulman lorsqu'il entend l'appel d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: nous avons entendu et nous obéissons. Après, il n'y a pas de mal à chercher et à connaître des sagesses et des bénéfices pour lesquels ont été légiférées ces règles-là. Min al-hikami fi wujub zakat al-fitr ma yali. Parmi les sagesses pour lesquelles a été légiféré, a été rendu obligatoire la zakat de l'fitr, il y a ce qui suit: tathir as-sa'im مما عسى أن يكون قد وقع فيه في صيامه من اللغو والرفث. C'est la purification, le nettoyage dont a besoin le jeûneur. La personne, durant son jeûne, durant sa journée, il tombe dans des erreurs, dans des fautes, de par les membres de son corps, de par sa langue. Donc il peut commettre des grossièretés, des choses qui ne conviennent pas, des choses qui viennent à diminuer la valeur de son jeûne. Et zakat al-fitr, à la fin du mois, elle vient pour purifier la personne de toutes ses fautes et de toutes ses erreurs dans lesquelles il peut tomber. ثانياً إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد وإدخال السرور عليهم ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع. C'est aussi d'enrichir les pauvres, les nécessiteux, pour ne pas les laisser tendre la main et mendier le jour de l'Eid. Car la grande raison qui amène une personne à mendier, c'est la faim et la soif. C'est parce qu'il ne trouve pas à manger, il ne trouve pas à boire. Ça, c'est le vrai mendiant, celui qui est dans un cas légitime. Et donc, s'il trouve de quoi manger, de quoi boire, il n'ira pas mendier. Donc il pourra vivre son jour de Eid comme tous les autres musulmans. Et aussi, c'est une manière d'entrer la joie dans le cœur de ces gens, pour que le Eid soit un jour de joie et un jour de fête pour toutes les catégories des gens de la communauté. Wa zalika li hadithi Ibn Abbas radiyallahu anhuma farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وحسنه النووي وحسنه الألباني رحم الله الجميع. La preuve de cela, on a le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné la zakat de fitr. La zakat, c'est de la rupture du jeûne. Regardez les deux raisons que va citer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle qu'on a vue. La première, il dit alayhi salatu wa sallam, comme purification pour le jeûneur de ce qu'il pourrait commettre durant la journée de jeûne, comme grossièreté, mauvaises actions, fautes commises, et au même moment comme nourriture pour les pauvres et les nécessiteux. Comme nourriture. Là encore une preuve comme quoi non seulement on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a sorti en nourriture, il a demandé de la sortir en nourriture, et il dit que c'est une nourriture pour les pauvres. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah et Al-Hakim, rendu bon par Al-Nawawi ainsi que l'Albani, qu'Allah fasse miséricorde à tous. وفيها إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك. Et c'est aussi une manière, en donnant la zakat, de montrer ouvertement le remerciement, la reconnaissance à Allah tabaraka wa ta'ala. On remercie Allah et on est reconnaissant envers Allah pour ses dons qu'il nous a fait. Il nous a permis de terminer et de compléter ce mois de Ramadan par le jeûne et par les prières nocturnes, et de faire plein d'autres actions qu'Allah nous a facilitées durant ce mois béni. Miqdarul wajib wa mimma yukhraj. La quantité obligatoire à donner et de quelle sorte de nourriture il faut la sortir. الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط. Le devoir dans zakat al-fitr, c'est de sortir cette unité de mesure qu'on a expliquée tout à l'heure, qui est as-sa'. As-sa' qui est quatre fois les deux mains pleines réunies. De la nourriture qui prime chez les gens du pays. La nourriture dont les gens ont l'habitude de se nourrir avec. Que ce soit du blé, de la farine, de l'orge, les dattes, les raisins secs ou du fromage. Ou arroz, ou dharra, ou ghayri dhalika. Et que ce soit du riz, du maïs et autres nourritures. لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. Car il y a la preuve de cela, ce sont les nombreux hadiths authentiques qui ont été rapportés par les compagnons, dans lesquels ils détaillent les différentes sortes de nourriture qui à l'époque ils sortaient pour zakat al-fitr. Et on a comme exemple le hadith de Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما qu'on a vu précédemment. ويجوز أن تعطى الجماعة زكاة الفطر زكاة فطرها لشخص واحد. Il est permis pour les zakat réunis, par exemple un père qui a réuni les zakat de lui, de son épouse, de ses enfants et ceux qui sont à sa charge, il se retrouve avec plein de zakat al-fitr. Il lui est permis de donner toutes ses zakat à une même personne. Et à une même personne, une personne pauvre, un ayant droit, de lui donner à la même personne. Et il est permis à une personne qui sort seulement sa propre zakat à lui, de la séparer entre plusieurs pauvres. Hein, de la donner, de la diviser pour plusieurs personnes. Il n'y a pas de mal en cela, car au final, ces personnes ont sorti leur zakat de Al-Fitr. ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام. Et il n'est pas permis, cela ne sera pas valide de donner la somme de zakat al-fitr, le prix de zakat al-fitr. Ça, ce n'est pas accepté. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a enseigné, ni les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Donc lorsque vous entendez en France, cette année c'est 5 euros, une autre année c'est 7 euros, non seulement c'est bien plus cher que la zakat al-fitr, parce que quand on sort zakat al-fitr, rarement on atteint les 5 euros, et encore moins les 7 euros. Mais en plus de cela, c'est contraire à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ne faut pas la sortir en argent, mais la sortir en nourriture. Celui qui veut donner de l'argent, il peut donner de la sadaqa. Il peut donner de l'argent. Il peut donner même plus que 5 euros et plus que 7 euros. Rien ne l'empêche, c'est une bonne action. Mais zakat al-fitr, elle doit être sortie en nourriture et non pas en argent. لِأَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Car ceci est contraire à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِعَمَلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Et aussi parce que c'est une action qui est en contradiction avec l'agissement et l'action des compagnons رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. فَقَدْ كَانُوا يُخْرِجُونَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. Car eux, ils ne la sortaient que dans cette unité de mesure, un sa' de nourriture. وَلِأَنَّ زَكَاتَ الْفِطْرِ عبادة مفروضة من جنس معين وهو الطعام. Car zakat al-fitr est une adoration obligatoire qui doit être sortie d'une nature bien précise qui est la nourriture. فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين. Et donc ne pourra pas remplacer cette nature même dans laquelle qui a été ordonné de sortir en argent, cela ne sera pas accepté. وَقْتُ وُجُوبِهَا وَإِخْرَاجِهَا. L'heure, l'horaire, le moment de son obligation de la sortie de zakat al-fitr. تَجِبُ زَكَاتِ الْفِطْرِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْعِيدِ. La zakat al-fitr ne devient obligatoire qu'après le coucher du soleil de la veille de l'Eid. On est le soir, le coucher du soleil, demain c'est l'Eid, dès ce soir, elle devient obligatoire. Avant le coucher du soleil, elle n'était pas obligatoire. Elle ne devient obligatoire qu'à ce moment-là, bien précis. لِأَنَّهُ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانِ. Car c'est le moment même où commence la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Le Ramadan est parti, le mois est terminé. وَلِإِخْرَاجِهَا وَقْتَانِ. Et pour la sortie de zakat, la donation de zakat al-fitr, il y a deux moments bien précis. وَقْتُ فَضِيلَةِ وَأَدَى وَوَقْتُ جَوَازِ. Il y a un horaire qui est de préférence, qui est le meilleur moment pour la donner, et il y a un moment où il y a la permission de la donner. Il est permis de la donner. Donc il y a un moment qu'il est meilleur et l'autre il est seulement permis. فأما وقت الفضيلة فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد. Le meilleur moment pour donner zakat al-fitr, c'est le jour de l'Eid. Depuis la prière de l'Fajr jusqu'à un peu avant la salat de l'Eid. Ce laps de temps, l'aube et un peu de la matinée, c'est le meilleur moment pour donner zakat al-fitr. Depuis la prière de l'Eid jusqu'à l'heure de salat al-Eid. Li hadith ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam amara bi zakat al-fitr qabla khuruj an-nas ila as-salah wal hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Car d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné la zakat al-fitr avant que les gens sortent pour la prière de l'Eid, avant qu'ils aillent à la prière de l'Eid. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wa amma waqtu al-jawaz. Mais concernant l'heure de la permission, de l'autorisation de la sortie de zakat, فهو قبل العيد بيوم أو يومين. C'est de la sortie avant le jour de l'Eid, un jour ou deux jours. Un ou deux jours avant le jour de l'Eid. Ça, c'est permis, mais ce n'est pas le meilleur moment. Le meilleur moment, c'est le jour de l'Eid même, entre Salat al-Fajr jusqu'à un peu avant Salat al-Eid. Mais sinon, on peut la sortir aussi un ou deux jours avant le Eid. Les fi'li ibn Umar, radiyallahu anhuma, wa ghayrihi min as-sahabati lidhalika. Et la preuve de cela, c'est l'agissement, l'action de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma et bien d'autres parmi les compagnons radiyallahu anhum ajma'in. Wa la yajuzu ta'khiruha an salat al-Eid. Il n'est pas permis de la retarder après la prière de l'Eid. Fa in akhkharaha fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Si jamais il ne l'a pas donné avant la prière de l'Eid, alors s'il la donne après, ça ne sera plus considéré comme zakat al-fitr, mais ça sera une sadaqa parmi tant d'autres. Et il aura commis un péché d'avoir retardé la sortie de zakat al-fitr. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, man addaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqboula, wa man addaha ba'da as-salah fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Al-hadith rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحسنه الألباني. On a ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah d'après Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما et rendu bon par l'Albani, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui s'en est acquitté, qui a donné zakat al-fitr avant la prière de l'Eid, alors ce sera une zakat acceptée. Et celui qui s'en est acquitté, qui l'a donné zakat al-fitr après la prière de salat al-Eid, alors ce sera considéré comme une aumône parmi tant d'autres aumônes. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.